rêve de nous à deux. Secrètement, je t'en prie. Je ne pensais pas que tant d'années auraient pu s'écouler, mais nous rapprocher. À la recherche de ton visage dans toutes ces femmes, à goûter leur saveur, je vais y perdre mon âme. Je ferai tout pour nous. Mais pardon, je n'étais pas prêt. Avec le temps, sentiments m'ont prouvé que sans toi, j'étais dans l'erreur. Aujourd'hui, la vie nous offre une autre chance. Le ciel avait écrit, toi et moi, une évidence. Je ferai tout pour nous. Vivre loin de toi, je me sens perdu. Stop, stop. Je le jure, prendre soin de toi. Oh oui, je le jure. Stop, stop.